Section 19 de Poète maudit. Maline par Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Vers les prés, le vent cherche une oise aux girouettes. Détail fin du château de quelque échevin, rouge de briques et bleu d'ardoise. Vers les prés clairs, les prés sans fin. Comme les arbres des féeries, des frênes, vagues frondaisons échelonnent mille horizons à ce Sahara de prairies. Trèfle, luzerne et blanc gazon. Les wagons filent en silence parmi ces sites apaisés. Dormez les vaches, reposez doux taureaux de la plaine immense, sous vos cieux à peine irisés. Le train glisse sans un murmure, chaque wagon est un salon, où l'on cause bas, d'où l'on aime à loisir cette nature faite à souhait pour Fénelon. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Herman Roskams en France, décembre 2013.